An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Semaine de la francophonie, semaine de la langue française et de la francophonie. Programme alléchant qui nous conduit aujourd'hui au Canada. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Canada, quand le français était une langue de résistance d'ailleurs, nous pouvons dire qu'elle l'est encore. Voici une histoire qui commence au XVIe siècle, à Saint-Malo. Le 20 avril 1534, avec deux navires et environ 60 bons hommes, le navigateur Jacques Cartier se dirige vers l'ouest. Au nom du roi François Ier, il pose un pied français au Canada. Il pose une langue aussi, une langue dont l'histoire est celle de la rivalité franco-anglaise. Une langue de résistance face à l'hégémonie anglophone. Et bien souvent, au Québec, au moment de combattre pour leur langue, les francophones ne font pas de quartier. Édouard Baraton, bonjour. Bonjour. J'évoquais l'arrivée de Jacques Cartier au Canada au XVIe siècle. Qu'est-ce que le Canada à ce moment-là pour le Royaume de France ? Le Canada, c'est dans le cadre de la période dite des grandes découvertes, une direction dans laquelle on peut se rendre, d'abord pour des raisons de pêche, des pêcheurs de l'ouest de la France qui vont y aller, puis progressivement des expéditions dirigées, commanditées par la monarchie, dont celle de Jacques Cartier, puis celle de Champlain, qui vont mener un premier établissement permanent en Acadie, puis à Québec en 1608. Vous êtes docteur en histoire de l'Université de Rouen-Normandie. Vous avez écrit « Les Français perdus », essai historique sur la nationalité française en Amérique du Nord, du XVIIIe siècle à aujourd'hui, aux éditions Baudelaire. Édouard Baraton, d'accord, nous avons un territoire qui est relié au Royaume de France. Quel statut a ce territoire ? Est-ce une prolongation du Royaume de France ou est-ce quelque chose de particulier ? Alors, en 1627, c'est une compagnie, la Compagnie des Sans-Associés, qui est chargée à la fois d'exploiter économiquement ce territoire, ce qui consiste, du point de vue à l'époque, à exploiter les fourrures avec le commerce des Indiens, et qui est aussi chargée de peupler ce territoire avec un statut de vassal à l'égard de la couronne de France. C'est à partir de 1663 que le territoire sera pleinement une province du Royaume de France. D'accord, c'est-à-dire que auparavant, vous utilisez ce mot vassal du vocabulaire féodal, on est avec une seigneurie, quoi, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est une sorte de seigneurie collective dans la charte, c'est défini ainsi. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Joseph Yvon Thériault, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous demander, quelle heure est-il ? Il est 4h du matin, 4h12 du matin, donc c'est très tôt ici. Là. Voilà, en France, il est pareil, mais bon, c'est pas... Vous m'avez fait lever tôt. Je vous ai fait lever tôt le manteau, il est 9h chez nous. Vous êtes où exactement ? Je suis à Mont-Saint-Hilaire, près de Montréal, donc au Québec. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, hein, l'UQAM, spécialiste des communautés minoritaires francophones du Canada. Nous évoquions l'arrivée des Français et puis le statut de ce territoire. Est-ce que dans la représentation, l'identité de la langue française au Canada, cette histoire est systématiquement prise en compte ? Oui, depuis le milieu du 19e siècle, je dirais oui, cette histoire est spécifiquement prise en compte. On assiste effectivement j'ai un écho là qui me... Donc on assiste effectivement toujours à cette référence à la Nouvelle-France. Hein. La Nouvelle-France, c'est la grande aventure, c'est le grand projet qui... Hein, c'est l'époque où la France avait un empire au départ. Il faut penser que cette implantation en Acadie en 1604... au Québec, au Canada, donc l'implantation de Québec en 1608. En même temps, hein, même avant que l'Amérique anglo-saxonne s'est développée, hein, c'est 1607, 1620 à Plymouth, la France va développer un empire en Amérique du Nord, un empire qui partira de Québec, mais très tôt, avec des ententes avec les Autochtones, les Amérindiens de l'époque, on va développer vers l'ouest canadien, vers les Grands Lacs, on va descendre le Mississippi. Et pendant un siècle et demi, hein, jusqu'en 1760, la France rayonnera sur la grande majorité du continent nord-américain, avec très peu de population. Hein, une population qui un siècle et demi plus tard, sera de 15 000 en Acadie, de 70 000 au Canada-Québec. Et donc, on estime pas plus qu'à 15 000, 20 000 personnes qui se sont établies durant cette époque. Mais les alliances avec les Autochtones ont fait que la France avait un empire. Notre grand historien Lionel Groulx dira, c'est notre grande aventure, hein, l'aventure du Canada français, c'est l'aventure, cette aventure qui était dans l'Empire. Et la langue française va devenir la lingua franca de ce territoire. Très tôt, on s'aperçoit que le territoire québécois, canadien, c'est le français qu'on parle, hein, même si la France n'est pas unifiée linguistiquement à l'époque. On est au début du 17e siècle, la France n'est pas unifiée linguistiquement, mais ce sont des marchands, c'est en partie l'armée française qui a peuplé le Québec, le régiment de Carignan, ce sont des femmes qui venaient, on a appelé les orphelines, les filles du roi, qui étaient des orphelines parisiennes, qui sont venues aussi pour peupler le territoire. On a eu une grande difficulté à peupler ce territoire. Et c'est la langue française, la langue de Paris, d'une certaine façon, qui s'est implantée, même si les gens qui habitaient le pays venaient un peu de partout de France. C'est un peu moins vrai en Acadie, où l'Acadie a été avec un français poitevin au départ, plus marqué parce que c'était une plus petite colonie et avec une population qui était plus intégrée ou qui venait, qui avait des origines plus poitevines que la population québécoise. Mais donc une langue française qui avant l'unification française en France, on dira qu'au Québec, il n'y a jamais eu, il n'y a pas de patois qui s'est établi. C'est le français. Et on dit encore même aujourd'hui que les Québécois parlent un peu comme Louis XIV. Hein, l'État, c'est moins. Joseph Yvon Thériault, vous posez cette base qui est essentielle pour que nous puissions construire cette émission du cours de l'histoire sur France Culture. Au moment où l'on parle français au Canada, eh bien en France, il y a plusieurs langues. L'histoire de la langue, c'est une histoire passionnante, une histoire politique. Et quand il s'agit du français en Amérique, nous croisons tout de suite des Anglais. Dans les fermes du Québec, on se souvient encore aujourd'hui de la bataille entre les Anglais et les Français, où s'est joué le sort du Canada et celui de toute l'Amérique du Nord, il y a plus de 200 ans. Ils étaient quelques milliers de Normands, de Bretons, de Poitevins, partis chercher fortune aux Amériques. En 1608, ils avaient fondé une ville, Québec, et une colonie, le Canada. En 1759, ils sont là depuis 150 ans déjà. Cette terre est devenue leur patrie, et ils l'ont baptisée la Nouvelle-France. Qu'est-ce que c'est que la Nouvelle-France à ce moment-là? La Nouvelle-France est une modeste colonie qui s'est développée sur les rives du Saint-Laurent, avec une population qui dépasse encore 60 000. C'est une colonie qui fait face à 13 colonies américaines, où il y a à peu près 1 million, peut-être un peu plus qu'1 million 500 000 personnes. Immédiatement, vous voyez que c'est assez inégal, si vous voulez. Depuis 150 ans, les Anglais, beaucoup plus nombreux, se sont groupés tout le long de la côte atlantique, autour de Boston et de New York, coincés entre la mer et la chaîne des Appalaches. Les Français, eux, partis de Québec, ont exploré tout le continent, du pôle Nord au golfe du Mexique, 7000 kilomètres de long. Et ils en ont pris possession, au nom du roi de France. Édouard Baraton, nous venons d'entendre cet extrait, hein, c'est l'historien Jean-Charles Bonenfant qui expliquait dans l'émission Les Grandes Batailles du Passé en 1974 cette rivalité entre le français et l'anglais. Il faut faire un peu de géographie hein, pour rappeler la présence de la langue française, mais portée par des individus, des hommes, des femmes, toujours en Amérique du Nord. Alors, où sont-ils ? Alors, initialement, quand on regarde la charte de la Compagnie des Sans-Associés de 1627, c'est toute la côte est du continent nord-américain et toutes les rivières qui s'y jettent qui sont revendiquées. Ensuite, la réalité va être très différente. À partir de Québec, la petite population française, comme le disait Monsieur Thériault, va établir des nœuds de population dans la vallée du Saint-Laurent, puis au pays des Illinois, puis en Louisiane. Mais en fait, elle rayonne surtout par ses relations avec les peuples autochtones qui, en fait, sont dans leur immense majorité indépendants dans leurs affaires politiques, mais qui vont former avec les Français des alliances à la fois commerciales et politiques, soit contre d'autres peuples autochtones, soit contre les Anglais bientôt. Oui, c'est-à-dire que c'est un univers qui est assez complexe et surtout immense. C'est gigantesque. Tout à fait, oui. Il y a une grande diversité de langues, de peuples, de familles linguistiques même. Et tout l'enjeu est de savoir que sont ces gens finalement établis de l'autre côté du royaume par rapport au royaume de France. Oui, parce que ça, c'est toute la question. Un statut juridique même, disons-le clairement. Qui sont-ils ? Comment sont-ils perçus ? Vous nous avez dit, Édouard Baraton, que dans un système héritier du féodalisme, il y avait cette relation entre le royaume et puis une seigneurie lointaine. Et puis, peu à peu, le Canada devient plus proche de la France. Il y a, malgré tout, des guerres. Là, des décisions sont prises par traité. Alors, l'autorité royale dès 1627 avait défini que tous les autochtones qui devenaient catholiques étaient à la fois sujets du roi, mais aussi naturels français, c'est-à-dire qu'ils pouvaient bénéficier de la loi française, de la coutume de Paris, d'un point de vue personnel. Et ce serait aussi le cas des colons français qui allaient s'y installer, ainsi que leurs descendants à titre perpétuel. La question qui va se poser en 1763, c'est que devient ce cadre juridique, enfin que je me suis posé, que devient ce cadre juridique et le statut de ses habitants du point de vue français, puisque la France ne règne plus sur l'Amérique du Nord qu'elle a perdu au traité de Paris de 1763. Alors, on a un certain nombre d'éléments qui permettent de l'évaluer. Le traitement des réfugiés, lorsqu'un historien français appelé Jean-François Mouhot appelait les pieds blancs par analogie aux pieds noirs. On a par exemple 3000 Acadiens qui sont rapatriés en France après avoir été déportés par les Anglais. On a entre quelques milliers de Canadiens qui vont revenir dans les années qui vont suivre. Et le problème du statut de ces Canadiens va se poser, va être discuté jusqu'à la Révolution française. Oui, c'est intéressant de bien mettre en place ces différentes phases pour saisir combien le regard de France sur ces populations, sur ces gens, évolue dans le temps. À la Révolution française, justement, il y a un nouveau regard posé, il y a un intérêt porté sur ces Canadiens. Alors en effet, donc la Révolution française va toucher au Canada, en tout cas dans les discussions à l'Assemblée, pour plein de raisons. Un, parce qu'on va assumer l'héritage de l'Ancien Régime et continuer à payer des indemnités aux Canadiens et aux Acadiens qui ont dû partir du Canada. Et ensuite, on a la confrontation avec l'Angleterre qui va monter. On a aussi un jugement porté sur l'Ancien Régime qui a cédé une province française. Ça lui est vertement reproché à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Et puis on a un cas fort intéressant qui est celui de François Cazot, donc qui était né français en 1734, qui s'est installé au Canada avant la perte du Canada par la France, et qui, dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine, prend parti pour les révoltés américains, puis fait passer de la propagande française, dirait-on aujourd'hui, appelant les Canadiens à la révolte, est arrêté logiquement par les autorités britanniques, puis expulsé, perd sa fortune. Et donc ce monsieur Cazot va, en 1792, donc on est 30 ans après la perte du Canada, venir devant l'Assemblée nationale en France et dire que les promesses qui ont été faites par l'État français l'engagent. Et en effet, l'Assemblée nationale va reconnaître que la France est engagée, va reconnaître que monsieur Cazot est français et va demander à l'exécutif de soutenir ses demandes auprès des États-Unis, reconnaissant ainsi ipso facto qu'il était français même après la cession. Bien justement, pour confronter cette histoire de statut, qui est une histoire datée et avec des décisions prises par les institutions, il faut jeter un œil sur l'histoire de la langue. Joseph Yvon Thériault, l'histoire de la langue ne suit pas exactement la même chronologie que ces différents statuts. Non, pas tout à fait, hein, parce qu'au départ, comme on le disait plus tôt, le français s'est imposé un peu comme une langue. Une lingua franca, une langue de civilisation. Hein. C'était une langue qui n'était pas liée à une identité culturelle. Petit à petit, elle va s'établir. Et Et pendant 150 ans, elle va même devenir la langue de communication utilitaire des populations autochtones de l'Ouest américain jusqu'en Louisiane. Et encore aujourd'hui, hein, la communauté autochtone amérindienne de l'Houma à l'embouchure du Mississippi en Louisiane, elle parle français encore. C'est une des derniers bastions de la francophonie américaine. Donc, au départ, c'est une langue qui est la langue du roi de France qu'on parle parce qu'on est sujet français. C'est une langue qui va devenir la langue de communication. Et on le verra, Tocqueville va être impressionné en trouvant des francophones dans l'Ouest américain. Mais petit à petit, elle va devenir une langue de culture. Elle va devenir une langue d'identité. Déjà en 1760, quand la France abandonne le Canada, les Canadiens qui partent sont les élites, hein, sont les aristocrates, un peu les nobles, la grande population reste parce qu'elle a 150 ans d'habitude sur le territoire, elle est déjà inscrite, etc. Et donc le français devient une langue de vaincus, hein, une langue, déjà on est dans une proportion de 1 à 20 sur le territoire. Il y a 20 fois plus d'anglophones qui se sont établis en Nouvelle-Angleterre et les Anglais ont gagné la bataille. Le français devrait disparaître, etc. Et la Révolution américaine va faire en sorte un peu que l'Angleterre va dire « mais ça serait peut-être bien de garder cette population, elle va permettre aux us et coutumes françaises de rester parce que c'est un territoire dur, le Canada, c'est un territoire de neige, c'est un territoire de froid, il y a une colonisation qui est difficile, et donc après une vingtaine d'années que l'Angleterre avait ce pays, s'est aperçu qu'il n'avait pas amené beaucoup de colons anglais ici, excepté certains marchands, et donc il va favoriser le maintien de la population francophone pour avoir un pied à terre et différencier cette population un peu des États-Unis. Et donc, déjà, pendant ce temps-là, on peut imaginer qu'à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, le français, c'est un français qui est un français de perdant, un français de vaincu, mais qui s'accroche à une identité culturelle. Les coureurs des bois, le commerce des fourrures continue à se faire en français, etc. Mais petit à petit, on va redéfinir le français dans un combat contre l'immigration anglophone qui commence à arriver au Canada pour que le français devienne une langue nationale. Il faut que le français devienne une langue qui n'est plus celle d'un vaincu, mais qui est celle de la société. Et on s'aperçoit au début du 19e siècle que, effectivement, le français, plus qu'une langue de culture locale, une langue de vaincu, elle va prendre un statut politique, un statut d'affirmation contre l'anglais. Le premier parlement québécois en 1791, la première discussion qu'il y a, c'est quelle langue ce parlement va parler. Est-ce qu'on aura le droit de parler français dans un parlement où la population est encore majoritairement francophone, mais l'élite qui est arrivée est anglophone, et c'est un parlement britannique où les British qui sont ici pensent que ça va de soi, qu'on doit parler anglais dans un parlement britannique, et les députés francophones, les nouveaux députés canadiens vont immédiatement demander le droit de parler français. Et donc la langue sera, à partir de ce moment-là, un combat politique pour l'affirmation nationale des Canadiens français. Formidable explication. Nous saisissons comment cette langue, ce français, qui est la langue de culture, c'est bien pratique de parler une langue quelque part et de pouvoir échanger, devient peu à peu une langue à enjeu politique. Joseph Yvon Thériault, vous avez cité Tocqueville, ça tombe bien, il est avec nous. Les villes ont une ressemblance frappante avec nos villes de province. Le fond de la population et l'immense majorité est partout française. Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, la plupart des journaux, les affiches et jusqu'aux enseignes des marchands français sont en anglais. C'est véritablement la classe dirigeante au Canada. Je doute qu'il en soit longtemps ainsi. Les journaux français que j'ai lus font contre les Anglais une opposition constante et animée. Je ne puis croire qu'ils se fondent jamais, ni qu'il puisse exister une union indissoluble entre eux. J'espère que les Français arriveront un jour à former à eux seuls un bel empire dans le Nouveau Monde. Plus éclairés peut-être, plus moraux et plus heureux que leurs pères. Pour le moment, cette division entre les races est singulièrement favorable à la domination de l'Angleterre. Le 25 août 1831, Tocqueville, en voyage au Bas-Canada, note dans ses carnets combien l'anglais progresse. C'est une lecture de Marion Malenfant dans le cours de l'histoire sur France Culture. Édouard Baraton, voilà, le territoire passe sous la domination britannique. Quel est le statut désormais de ces Canadiens? C'est compliqué à dire, on dit quoi? Canadiens francophones, enfin les Anglais vont dire French Canadian. En fait, les dénominations bougent beaucoup. Les Anglais de la première période, on va dire des années 1760 aux années 1830, vont très facilement utiliser le terme French pour parler de la population conquise. D'ailleurs, on retrouve l'expression aussi French and bad subject, donc il y a une forme accusatoire dans la francité. Dans le discours public, les officiels canadiens, les élus utilisent canadien, à la fois pour se distinguer des Français politiquement, et c'est très utile alors que la France et l'Angleterre sont en guerre jusqu'en 1815, mais aussi parce que c'est une option identitaire qui se développe, dire qu'on est canadien, etc. Maintenant, les ambiguïtés en fait vont durer beaucoup plus longtemps que cela, puisque on a des Canadiens alors à la fois très modestes et puis parfois de très haut niveau social, qui viennent en France, qui font des carrières en France et qui là sont français. Alors ça peut aller jusqu'au cas très drôle de la famille Chausse-Gros-de-Léry. Donc le père est conseiller du gouverneur au Canada, mais le fils aîné est général de Napoléon et le fils cadet né en 1778 intègre l'armée française en 1801. Ouais. Donc il y a un va-et-vient qui est intéressant parce que ce sont toujours des questions de représentation. Joseph Yvon Thériault, quand nous évoquons la langue française qui devient un enjeu politique, il y a le double regard à avoir, celui du francophone qui veut lutter pour sa langue et celui de l'anglophone qui veut imposer la sienne. Comment se construit cette rivalité? Oh, elle est au cœur de la formation du Canada. Quand Tocqueville vient au Bas-Canada en 1840, on a divisé l'ancienne province l'ancienne province du Canada en deux, entre le Haut et le Bas-Canada, pour permettre l'arrivée de loyalistes américains et permettre, à partir du début du 19e siècle, là, une vraie immigration anglophone qui, suite aux guerres napoléoniennes, l'industrie forestière va devenir importante et les Anglais vont s'établir au Canada pour le bois, etc. Donc, il va s'établir une rivalité qui va s'accentuer au début du 19e siècle. Quand Tocqueville vient en 1831, comme vous le dites tout à l'heure, Tocqueville sent déjà qu'il y a une animosité qui est en train de se développer, qu'il y a un affrontement important. On est en train de lutter, comme dans la plupart des pays occidentaux à l'époque, pour le gouvernement responsable, pour le gouvernement démocratique, etc., et un peu anticolonial anglais, mais cette lutte semble devient vite une lutte entre nationalités, hein, c'est ce que il y a des troubles, une rébellion en 1837-38. Lord Durham est mandaté par le gouvernement anglais pour étudier la situation. Et immédiatement, il dit, on m'avait demandé d'étudier une lutte entre le peuple et les autorités. J'ai trouvé une lutte de nationalité. J'ai trouvé une lutte entre anglophones et francophones. C'est-à-dire que le pays qu'on veut construire pour les Canadiens français sera un pays français, les us et coutumes, les slogans, c'est notre langue, notre nationalité, nos institutions. Pour les Anglais, il va de soi que la langue de ce pays et que les lois de ce pays seront anglaises. Et donc le conflit, le dernier, c'est en 1837-38, la langue française subit une grande défaite. Le Québec, le Canada, le Bas-Canada, subit une défaite. On abolit le statut du français pendant quelques années. On réunifie à nouveau les deux Canadas de façon à organiser une majorité anglaise factice. Et en disant, parce que le rapport de Durham dit, ce pays sera, sera autonome ou on lui donnera le gouvernement responsable quand il y aura une majorité anglophone. L'Empire britannique ne peut pas permettre qu'une majorité francophone, d'une majorité de Français, qu'il appelle des vieux Français de France, mais qui sont des Canadiens français maintenant, ne peut pas permettre, donc l'Empire britannique ne peut pas permettre qu'une de ces colonies soit dirigée par des Français. Et donc, en 1840, il y a cette union des deux Canada, et là, la réaction des Canadiens français sera une réaction de reconquête à partir de ce moment-là, de volonté. On va tenter de lutter. Le français devient l'arme par excellence. On va tenter de rétablir le français dans les parlements, dans le parlement du on a créé le Canada uni à ce moment-là. Dans le parlement, on va tenter de rétablir les lois françaises, etc. Et donc petit à petit, on va revaloriser d'une certaine façon, et le lien avec la France va devenir plus fort, hein. C'est-à-dire que pendant la période de 1763 à 1840, on pouvait imaginer que les Canadiens étaient largement, parlaient français, mais étaient de culture britannique. À partir de 1840, ils vont, en s'opposant aux Canadiens anglais, en s'opposant à la volonté d'assimilation du Canada, ils vont devenir de plus en plus français, si on peut dire. Ils vont retrouver leur histoire française, ils vont retrouver l'histoire justement de l'Empire français. Ils vont dire, on est une civilisation à part en Amérique et on veut vivre comme une civilisation différente des anglophones. Et donc le sentiment, ils vont pas gagner immédiatement, mais il y a une dimension importante à ce moment-là, c'est que l'Église va prendre fait et parti, l'Église catholique va prendre fait et parti pour les Canadiens français et va faire en disant la foi, la langue et la foi, hein, sauver sa langue, c'est sauver sa foi. Et donc l'Église va vouloir faire de la francophonie, de la langue française, son entrée en Amérique, et avec un projet un peu grandiose, hein, presque d'assimilation du caractère anglo-protestant. Il y a même eu des utopies à ce moment-là, au 19e siècle, où on disait l'Église va venir à convertir les catholiques, on va rejoindre les catholiques du Mexique et la civilisation anglo-protestante va s'atténuer, va se diminuer. Et je dis un peu utopique parce que on était encore dans une proportion de 200-300 000 Canadiens français catholiques contre des millions, 20-30 millions d'anglo-protestants. Mais on avait cette idée providentielle que le catholicisme allait sauver la foi et la langue. Le français, langue de résistance au Canada, et nous pouvons dire même en Amérique du Nord, c'est ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture. Ça y est, les acteurs sont là. Nous avons des Anglais, nous avons des francophones, nous avons l'Église aussi, des protestants, des catholiques. Et puis, nous avons des poètes. Speak White. Allez, parlez blanc. Poème de Michel Lalonde. Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreille. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter. mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. Oh, speak white, big deal. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève. Pour raconter l'histoire d'un peuple concierge. Rien ne vaut une langue à jurons. Notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile. Speak white. Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes un peuple rancunier, mais ne reprochons à personne d'avoir le monopole de la correction de langage. Nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, et comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger ou de Little Rock. Speak white. Et comprenez notre parler de circonstances. Quand vous nous demandez poliment « How do you do? » et nous entendez vous répondre « We're doing all right. We're doing fine. We are not alone. » Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Speak White, poème de Michel Lalonde en 1968, dit par Michel Lalonde dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Clément Daté, Joseph Yvon Thériault. À l'écoute de ce poème, ce sublime poème, nous entendons bien que le français n'est pas simplement une identité personnelle et que dans tout ce que porte cette langue au Canada, en Amérique du Nord, il y a des revendications beaucoup plus profondes, beaucoup plus larges. Ah oui, là, on est au début des années 60, hein, le français dans une situation paradoxale, une espèce de grand combat messianique avec l'Église catholique a failli à sa tâche. Le français, par contre, est resté fort, hein, particulièrement au Québec où la population entière et autour des années 60, donc il y a une affirmation politique, une lutte contre l'oppression. À ce moment-là, on l'entend bien dans le poème de Michel Lalonde, là, on associe le combat pour le Québec à un combat de décolonisation, un combat de décolonisation contre le Canada, contre l'Empire britannique, mais aussi contre l'américanisation. Hein, le speak white, c'est une identification aussi au combat des Noirs américains. En même temps, Pierre Vallière qui va... On va lancer un mouvement de sur le Front de libération du Québec, hein, un peu à l'image du Front de libération algérien, un mouvement de violence politique. Et il va écrire un bouquin qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique ». Hein. Et donc, durant les années 60, la langue délestée de sa religiosité, on ne défend plus le catholicisme, on défend la langue. La langue devient le symbole à la fois de l'oppression québécoise et le symbole de la libération possible du Québec. C'est à ce moment que va naître, qui a toujours existé un peu, mais va naître avec une certaine force politique, un mouvement souverainiste qui va dire, bon, écoutez, le français, on a perdu la bataille en Amérique. L'Amérique s'est anglicisée, la Louisiane, le Canada anglais, par des vagues d'immigration successives, est devenu de plus en plus anglais. Et donc, il reste le Québec, le foyer historique du Canada, de la Nouvelle-France, qui est resté français. Et il nous faut donc un État français, un État québécois. Et donc, la langue va être extrêmement politisée. C'est la période des années 60 d'une politisation la plus excessive de la langue française sur cette histoire de trois siècles de langue française en Amérique. Édouard Baraton, justement, dans cette longue histoire de la langue française en Amérique et dans votre étude sur ce que vous appelez la nationalité française en Amérique, ce qui est très intéressant d'avoir une réflexion juridique presque sur qui sont ces gens, locuteurs français en Amérique. Comment note-t-on l'évolution qui conduit à ce que nous expliquait tout de suite Joseph-Yvon Thériault, c'est-à-dire des revendications très fortes dans les années 1960-1970? Alors, en ce qui concerne ma problématique, on a une perte avec le temps à partir du début du 19e siècle, globalement, de la reconnaissance de la nationalité française effective à ces populations qui sont coupées de la France, qui sont sous d'autres souverainetés que la France. À partir du moment où il y a une opposition nationale qui se développe au Canada après la révolte des patriotes de 1738, vous avez des tentatives de certains, alors plutôt des libéraux que des catholiques. Les catholiques se méfient de la France trop laïque, trop républicaine. Mais du côté des libéraux, une volonté dès les années 1850 de rétablir des liens forts. Alors en 1853 sort un livre très important de Louis-Joseph Barthes, Le Canada reconquis par la France, où ce Canadien essaie de trouver des modalités de lien. Alors il y a plusieurs modalités de lien. La volonté de refaire une Amérique française par les Canadiens catholiques touche aussi ces gens-là. Et puis, par exemple, le futur maire de Montréal, Honoré Bongrand, qui est très libéral, assez opposé au clergé, va se battre dans l'armée française de Napoléon III au Mexique avec d'autres Canadiens dans cette perspective-là. On a des poètes aussi qui agissent beaucoup pour rétablir les liens. Je pense par exemple à Louis-Honoré Fréchette, donc né canadien, mais qui va postuler au prix Montyon de l'Académie française, qui est un prix réservé aux Français en 1880, posant la question de savoir « suis-je français ?» Alors, comme auteur, mais même français au sens plein du terme, et l'Académie va lui répondre oui, il gagnera le prix Montyon, et après la Seconde Guerre mondiale, seuls des Canadiens, comme étrangers, gagneront le prix Montyon. Les liens malgré tout restent très, très ténus et il faudra attendre les années 1960 pour que l'investissement français au Québec sous la présidence du général de Gaulle change complètement de dimension. Et dès lors, voilà, nous avons évidemment cette phrase qui sonne tout de suite en tête, vive le Québec libre en 1967 et oui, nous sommes maintenant au service de la France. À qui avons-nous l'honneur? On représente un groupe d'intellectuels québécois. Puis, moi, c'est Alain Robitaille, lui, Antonin Laliberté. C'est les fous, non, ça. En tout cas, on vous remercie bien de nous recevoir, hein. C'est bien gentil. Je maintiens qu'ils ont des têtes d'Américains. Nous vous écoutons. Me comprenez-vous? Fort bien. Je vous ai compris. On est bien admiratifs du général de Gaulle, hein. Lui puis sa politique visionnaire là, sur l'indépendance des peuples. Il l'a grandement prouvé en Afrique, puis maintenant c'est en Algérie, hein. Avec son référendum sur l'autodétermination. Et nous, on est venus ici pour vous demander votre aide pour soutenir notre lutte indépendantiste du Québec par rapport au Canada. Rien compris. Il n'avait pas mis qu'il parlait le français? Ben, on parle français. Du français, j'en ai entendu des tas. Les Africains, ils ont autant de syntaxe que de couleurs de boubou. Hein. Mais alors, celui-là... Il me semble comprendre que ces messieurs sont venus réclamer l'aide de la France pour libérer le Québec de la domination canadienne. Et voilà, qu'est-ce que je disais? C'est le défilé qui commence. Ça va être qui, les suivants? Le Front de Libération de la Belgique? De Saint-Pierre et Miquelon? Mais c'est plus canadien, le Québec? Oui. Vous êtes canadien ou dominé par les Canadiens? Les deux! Nous, ce qu'on veut, c'est faire ça sans violence, hein? On devrait vraiment faire passer un test de langue aux délégations avant de les recevoir. Hein. Examen. Vous avez des tests. C'est un mot anglais. En français, le mot est « examen ». Nous les comprenons à peine et eux nous comprennent sans aucun mal. C'est fantastique. Un extrait de la série télévisée Au service de la France, diffusée sur Arte, un épisode consacré aux Québécois, bien entendu, Joseph-Yvon Thériault. Justement, cet épisode se moque gentiment de ce rapport que peuvent avoir les Québécois et les Français du temps du général de Gaulle. Vous nous avez parlé que ce mouvement québécois pour la défense de la langue française s'inscrit dans la décolonisation. Mais quelle place pour la langue même? La langue est-elle essentielle au cœur de ce processus-là? Oui, la langue devient de plus en plus, hein, comme on l'a dit, elle était liée au catholicisme, elle était liée à une culture, mais à partir des années 60, là, elle va devenir de plus en plus le référent par excellence parce que on pense que la langue est inclusive, que la langue est capable de d'ouvrir le Québec au monde et d'ouvrir le Québec à une immigration interne. La question de l'immigration au Québec est une question centrale. elle est là depuis le milieu du 19e siècle. On a voulu, par l'immigration anglophone, assimiler les Canadiens français, et lentement, les Canadiens français ont survécu par un taux de natalité très fort, mais la question de l'immigration est restée. On est une terre d'immigration en Amérique. Donc, il y a des immigrants, au Québec un taux d'immigration un des plus élevés en Occident. L'enjeu devient l'intégration de cette population à la vieille population française d'origine, à ce qu'on appelle parfois les Français de souche. Et donc, cette intégration-là, elle va se poser dans les années 60 avec la question de la décolonisation, mais aussi avec la question du Québec français. C'est-à-dire qu'on va dire non, les immigrants qui viennent au Québec doivent absolument s'intégrer à la majorité francophone. Ils ne peuvent pas venir en Amérique du Nord et s'intégrer à la majorité anglophone. Ça sera un combat. Les premières luttes pour faire du français la langue officielle du Québec, c'est des manifestations qui ont lieu dans le cadre des populations italiennes qui veulent envoyer leurs enfants à l'école anglaise, même s'ils sont catholiques et latins. Et donc, les Canadiens français ou les Québécois francophones vont lutter contre ça. On va développer une loi 101, ce qu'on appelle la loi 101, qui devait même s'appeler la loi 1, qui est la loi du Québec et qui est la loi du français comme seule langue officielle au Québec en 1976. Et donc, le français va devenir l'épicentre de l'identité jusqu'à, on pourrait dire, presque à diluer la dimension culturelle. Aujourd'hui, on a des questionnements sur est-ce qu'une langue qui n'est qu'une langue, qui n'est qu'un véhicule de communication, qui n'est plus liée à une pesanteur culturelle, est-ce qu'elle est capable, dans le continent nord-américain, d'attirer les nouveaux immigrants, de faire en sorte qu'ils adoptent cette langue-là. Donc, oui, le français devient et de plus en plus, je dirais, la grande référence identitaire québécoise, mais liée à son combat d'autonomie aussi. Et puis, liée à une longue histoire que vous avez étudiée, Édouard Baraton, justement, sur cette longue histoire, les souverainistes de ces années 1960-1970 se revendiquent-ils des anciens Français, là, de ceux d'avant ? Alors, il y a un paradoxe là-dedans, puisqu'on a l'affirmation d'une nouvelle identité québécoise qui est en rupture, a priori, avec ce qui s'est fait avant, avec le passé canadien-français, et puis même avec la Nouvelle-France, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'américanité. Mais paradoxalement, les liens avec la France elle-même se renforcent. Et il y a besoin de justifier ces liens, qui vont aller très loin, puisque De Gaulle va intervenir, appeler très clairement, finalement, à la création d'un État français en Amérique du Nord, dont le Québec a vocation à être le noyau. Mais de son point de vue, ce qui est intéressant, ce n'est pas la province de Québec, création anglaise. Ce n'est pas vraiment même l'identité québécoise. Lui, ce qui justifie son intervention, c'est que ce sont des Français du Canada, comme il le dit. Alors, il le dira à Montréal, mais il le dira même pour les vœux du 31 décembre 67, ce qui est assez peu connu, qui sont adressés aux Français de France, d'outre-mer, de l'étranger, et à ceux du Canada, etc. Ça sous-tendra cette politique. Alors après le départ du général, cette politique à l'échelle de tous les francophones du Canada va un peu se relâcher et ce sera finalement la politique franco-québécoise qui va ressortir, qui va se maintenir. Et c'est là que se trouve l'héritage institutionnel fort en la matière. Avec toujours cette langue d'union. Une question, c'est vrai, qui se pose au moment de parler d'une langue, c'est de savoir, au-delà simplement de dire le français du Canada est un français avec peut-être quelques particularismes régionaux, en fait, y a-t-il un ou plusieurs français du Canada ? Image du Nouveau-Québec, une émission de Anne Legaré. Aujourd'hui, le langage des Canadiens français. Si l'on dit « As-tu ben breaké » pour « As-tu freiné »,« Ta sacoche match ben avec ton côte » pour dire « Ton sac à main est bien assorti à ton manteau », eh bien, l'on parle « joual ». Le joual n'est ni un dialecte, ni un patois, ni un argot, ni un jargon. encore moins une langue. Le joual est une sous-langue. Le joual, c'est le français parlé par un groupe linguistique dont la langue maternelle est devenue très ébranlée à cause de la proximité et de la pression d'une langue étrangère, voisine, l'anglais. Apprendre l'anglais pour un Canadien français, c'est pour lui le plus souvent cumuler l'ignorance de deux langues, cumuler l'ignorance de l'anglais et du français. En 1967, ben justement, Vive le Québec libre, c'était cette année-là, France Inter s'intéressait au nouveau Québec. Avec cette question de la langue, Joseph Yvon Thériault, en fait, y a-t-il un français au Canada, et je peux même réduire au Québec? Oh non, il reste des variantes du français. Il faut dire, comme je le disais au départ, que très tôt, il n'y a pas eu de patois. Hein. Il y a eu une langue française qui s'est établie, qui est une variante québécoise de la langue française, d'une variante québécoise de la langue française. Et on a toujours revendiqué le français. Hein. Quand je parlais de la loi 101, c'est le français. Mais effectivement, comme la langue était très identifiée à l'identité dans les années 60, s'est posé la question, effectivement, de est-ce que la langue qu'on parle, c'est du français? Est-ce que c'est du joual? Je pense que la réponse à ça, ça a été de dire, écoutez, c'est une langue qui a été torturée parce que c'est une langue qui a vécu dans un univers anglo-saxon, et le poème de Michel Lalande le rappelait, dans un univers d'oppression, et donc le français était dénaturé un peu par ce travail dans les shops, dans les usines anglophones, par des patrons anglais, etc. Et donc là, aujourd'hui, je pense qu'on est réconcilié avec ça un peu. Hein. Les linguistes nous ont aidés en disant, écoutez, il y a une langue populaire, il y a des patois, mais il y a une variété régionale assez conforme au Québec. Hein. Je veux dire, il y a des régionalistes, mais le Québécois, on va dire que l'Acadie a un parler particulier, c'est de façon générale, c'est une variété de français. On doit dire que ce qu'on enseigne dans les écoles, ce que les livres qu'on lit sont notre mode d'écriture est un mode qui est du français standard et universel d'une certaine façon, mais il reste que la langue a un accent et elle est aussi à la côtoyer l'anglais et l'anglicisme dans cette langue, et particulièrement, je dirais, en dehors du Québec où le français est fortement minoritaire. J'ajouterais aussi que par rapport à la France, dans les dernières années, depuis les années 60, c'est la francophonie qui a été la francophonie comme association internationale des pays de langue française. Le Québec a beaucoup investi, même identitaire, cette idée que la langue française était notre langue de culture ici, mais qu'elle nous donnait un accès au monde par la francophonie. Et les Québécois sont très critiques par rapport au fait que les Français, que la France ne défend pas assez la langue française dans l'univers mondial. Oui, Édouard Baraton, vous faites oui de la tête, hein, c'est aussi un sujet. Les Québécois qui sont porteurs de la langue française. C'est vrai, en effet. Alors, il y a une dialectique compliquée là-dedans, puisque comme je le disais, les autorités gauliennes interviennent au Canada parce que de leur point de vue, ce sont des Français, quoi qu'en pensent les Canadiens d'ailleurs, même si certains vont prendre ce discours. Hein. Je pense à Pierre Bourgault, qui assume totalement le discours de Gaulle et qui l'assumera à peu près jusqu'au bout sur nous avons deux identités ou une identité duelle, ou tout ça marche ensemble. Et la France, dès 67-68, veut intégrer le Québec dans les institutions internationales francophones, lui créer un espace culturel et en exclure le Canada. Et finalement, on arrivera à un compromis dans les années 80. Les deux font partie de la francophonie institutionnelle. Et ben voilà, la francophonie, vive la francophonie. Merci Joseph Yvon Thériault de nous avoir parlé depuis là-bas, si loin, le Canada et surtout si tôt. Merci vivement à vous et merci aussi Édouard Baraton à Les Français perdus aux éditions Baudelaire. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Vous allez nous parler d'islamo-gauchisme. Les mots ne s'usent que si l'on s'en sert. Alors que le procès de l'islamo-gauchisme a fait rage ces dernières semaines, Toby Green, du département de sciences politiques de Bar-Ilan, revient sur l'histoire d'un autre mot composé, judéo-chrétien, pour démontrer à quel point l'usage politique des mots peut transformer radicalement leur sens. You say it's the words that we didn't speak. But it's mostly the words that you didn't keep. C'est aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale et encore davantage après l'extermination des Juifs d'Europe, que l'Occident en général est qualifié de judéo-chrétien. Le président américain Dwight Eisenhower, fraîchement élu, l'inscrit dans le langage public dans son discours de fin d'année en 1952. Un nouveau schéma se proposait en filigrane, établissant une frontière entre, d'un côté, toutes les branches du christianisme et le judaïsme, en opposition à l'antisémitisme de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, mais aussi contre l'athéisme soviétique. Le judéo-christianisme était présenté comme un ensemble largement ouvert, une ouverture qui s'accordait avec l'image de la démocratie telle qu'elle était défendue par le gouvernement états-unien qui s'installait dans une logique de guerre froide de longue durée. Jusqu'à cette date, judéo-chrétien était essentiellement utilisé pour désigner les connexions historiques du judaïsme et du christianisme dans l'Antiquité. Une connexion progressivement perdue qui a engagé de longs combats à partir du XVIIIe siècle pour la réintégration des Juifs en tant que partie légitime de la société européenne. Toby Green rappelle que dans l'Europe du XIXe siècle, les Juifs étaient encore communément regroupés avec les musulmans comme sémites ou orientaux, non européens. Mais ce dénominateur commun judéo-chrétien, établi en partie par Eisenhower en 1952, a été recyclé récemment comme l'arme d'une attaque frontale contre l'islam dans le discours des droites extrêmes européennes. Un tournant paranoïaque de l'usage des mots qui cherche cette fois à exclure celles et ceux qui ne seraient pas issus de la civilisation européenne telle qu'elle est entendue par Toby Green donne des exemples relevés dans leur discours, Nigel Farage au Royaume-Uni, Marine Le Pen en France ou encore dans le manifeste de l'AFD en Allemagne. Une redéfinition des frontières culturelles de l'Europe qui rigidifie une tension avec l'islam et un choix politique du conflit bien éloigné des premiers usages de ce que l'on a pu entendre au cours de l'histoire lorsqu'on employait l'expression « judéo-chrétien ». La langue française, une histoire politique. Cette émission, toutes les émissions du cours de l'histoire sont à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupoint, Toscane Viudas, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou. Demain, nous nous intéressons à la commune et plus précisément aux damnés de la commune.